La boîte à baisers. Il y a de cela plusieurs années, un père punit sa fillette de 3 ans pour avoir inutilement gâché un rouleau de papier doré. L'argent se faisant rare, il ne put supporter le fait que la fillette utilisât le papier pour décorer une boîte d'un cadeau qu'elle voulait placer sous l'arbre de Noël. Le lendemain matin, la petite fille apporta le cadeau à son père en lui disant « C'est pour toi, papa. » Embarrassé, son père regretta sa trop vive réaction. Toutefois, sa colère se raviva et ne fit qu'empirer quand il découvrit que la boîte était vide. Il engueula sa fille en disant « Ne sais-tu pas qu'avant d'offrir un paquet cadeau, tu dois toujours veiller à ce qu'il y ait quelque chose dans la boîte ?» La fillette regarda son père, les larmes aux yeux, et lui dit « Mais papa, la boîte n'est pas vide, je l'ai remplie de baisers juste pour toi. » Le père était chaviré. Il enlaça sa fille, la priant de pardonner sa réaction. Peu de temps après, la fillette mourut suite à un accident. Le père garda longtemps la boîte tout près de son lit. À chaque fois que le découragement l'assaillait, il prenait la boîte, en tirait un baiser imaginaire et se rappelait l'amour que son enfant y avait mis. Au fond, cette fable nous rappelle qu'il est donné à chacun de nous disposer d'une boîte dorée de ce genre, remplie d'amour inconditionnel et de baisers de nos enfants, de nos familles, de nos amis. Y a-t-il de plus précieux cadeaux ?